Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur les arts vivants queer. Le 12 mai dernier, au Centre culturel central de la Louvière, a eu lieu QueerAsPro, une journée de rencontre entre artistes queer et travailleuses d'institutions culturelles. Co-organisée par Freaks et Merveilles et Central, cette journée visait à mettre ensemble des milieux qui parlent peu d'ordinaire alors que leur terrain d'action et leur lutte se croisent souvent. La matinée était consacrée à une discussion autour des droits culturels avec Thibaut Galland, qui travaille chez Culture et Démocratie, et Sarah Selma Dolores, artiste pluridisciplinaire travaillant beaucoup avec des personnes qui ne sont pas artistes professionnels. Ce hors-série en deux parties vous livre l'enregistrement complet de cette matinée. Dans la première partie, Thibaut et Sarah posent les bases et discutent de ces notions. Dans la deuxième partie, nous donnerons la parole au public. Belle écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à cette journée QueerAsPro. Merci à vous d'avoir fait le déplacement malgré tout ce soleil et ce beau temps qui appelle à autre chose que de s'enfermer dans un lieu pendant toute une journée. Mais après, on est quand même... le théâtre est particulièrement beau, donc ça va. Oui, ah, oui, le théâtre est vraiment très beau, c'est vrai. Alors, petit test, est-ce que ça enregistre bien là à la régie? C'est bon? Oui, parfait. Bien, on va se présenter très très rapidement. Après ça, on passera la parole à Vincent Thirion pour un petit mot d'intro et puis hop, on reprendra la parole pour introduire la journée et les deux intervenants intervenantes de ce matin. Donc bonjour tout le monde, moi je m'appelle Emmanuel Henbert, Manu. C'est moi qui dirige Freaks et Merveilles, qui est un podcast sur les arts vivants queer. Et du coup, je co-organise cette journée avec Alexia. Bonjour, bienvenue. Donc moi c'est Alexia, je suis chargée de projet ici à Centrale et notamment chargée de ce qu'on appelle ici l'angle queer. Alors je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon la journée ne servira à rien. Mais en gros c'est des activités qu'on mène depuis 5 ans environ. Des activités, c'est autant de la programmation, des ateliers, des rencontres et ce genre de choses qu'on initie ici aujourd'hui. C'est la toute première, donc voilà. En quelques mots, Manu m'a invité à son micro il y a un an pour justement parler de la place des dragues, du cabaret, etc. dans les centres culturels. Et je me suis dit, peut-être que ça serait intéressant d'en parler avec mes pairs et les artistes, etc. Et donc, nous voilà réunis aujourd'hui. Moi, j'ai juste un petit truc, un tout petit point d'intention à vous demander. Dans le hall, j'ai mis à disposition des grands post-it. Donc, si au cours de la journée, il y a un truc, une phrase, une question, une remarque, n'importe quoi, qui vous reste un peu en tête, n'hésitez pas à la noter, à la coller au mur. Voilà, comme ça, nous, ça nous permettra de continuer les réflexions, de garder un petit souvenir de cette journée. Oui, et puis voilà. Peut-être qu'il y en aura d'autres, des journées comme ça, et donc vos retours vont être assez précieux, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un crash test. Peut-être qu'il y aura d'autres journées comme celle-ci, et donc vos retours seront assez précieux pour voir un peu comment modifier, comment ajuster la formule pour que ce soit le plus pertinent possible. Voilà, sentez-vous à l'aise, on est là entre nous, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques, voilà. Je pense que je dis ce que j'avais à dire. Oui, et juste pour les personnes qui trouveraient un peu étrange qu'on vous parle au micro, alors qu'en soi, on est à portée de voix. Tout ce qui est enregistré ce matin fera l'objet d'un épisode hors-série sur Freaks et Merveilles. Donc, vous pourrez aller le réécouter si vous voulez ou le partager. Mais du coup, il faut tout enregistrer au micro. Et donc, c'est pour ça que nous allons parler dans les micros. Et comme vous allez aussi prendre la parole, n'hésitez pas à nous demander un micro quand vous avez envie de vous exprimer. Comme ça, ce sera enregistré. Voilà. Bien, on passe la parole à Vincent Thirion. Et puis... on la reprend pour introduire le reste de la journée. Vincent, c'est à toi. Alors oui, c'est un peu étrange parce que j'ai écrit un petit discours, mais je ne fais pas ça d'habitude. Mais là, c'était quand même très important. Et je vais essayer de pas... Enfin bon, bref, Alexia me comprendra. Alors bonjour à toutes, à tous et à tous ceux, celles qui refusent des étiquettes quelles qu'elles soient. Je pense que c'est important. C'est avec beaucoup de joie et... une certaine fierté que je vous accueille ici aujourd'hui pour cette journée professionnelle autour des questions cuir. Une journée qui, pour nous, à Centrale, ne tombe pas du ciel, comme une licorne, par exemple. Ça n'existe pas. C'est l'aboutissement d'un chemin, d'un travail vraiment engagé, d'une volonté affirmée, d'un travail de fond que nous construisons depuis plusieurs années souvent à petits pas, parfois à grandes enjambées. Avant même de parler explicitement de cuir, en 2014, il y avait une décentralisation du festival Pink Screen qui s'était fait ici au Ciné Club. Puis une très belle rencontre avec Sarah, avec le Cabaret Mademoiselle en 2019, qui a été un premier coup d'accélérateur. Atelier, résidence, création d'alter ego, de drague. Ces moments ont permis à certaines de nos participants de découvrir un espace d'émancipation, d'expression et surtout un espace où l'on peut être pleinement soi-même. Moi, ou je dirais même quelqu'un de mieux. Voilà. Mais ces ateliers nous sont ouverts aussi les oreilles sur plein de choses que je trouve un peu catastrophiques. D'abord, peu, voire peu d'associations LGBTQIA+ actives sur notre territoire. Enfin, il y en a à Mons, il y en a un peu partout, mais ici sur la Louvière, pas vraiment. Pas d'espace public pour raconter son histoire. Et pas ou peu de représentations visibles. Alors on s'est dit qu'on allait arrêter d'attendre et commencer à créer des espaces nous-mêmes. Central a donc lancé son programme Cuir avec une idée simple mais ambitieuse, visibiliser, informer, interroger, donner la parole, même confiné chez nous, même masqué, éloigné. On a fait plein de choses, notamment on a invité Abdel Ataya, on a fait des cycles de lecture, il a créé sa première pièce de théâtre ici, c'était un moment incroyable, une rencontre merveilleuse, moi je n'oublierai jamais de ma vie. On a fait des créations en ligne, on a collaboré avec pas mal de partenaires, le planning familial, le CEREC, le relais Picardie Laïque et d'autres. Depuis, on a continué sans relâche. 7 périodes d'ateliers, 3 éditions de Charivari, chère Sarah, et des spectacles, des débats, des risques aussi, hein, notamment face aux menaces de certaines et de certains de nos partenaires et que des bibliothécaires avec lesquels on a travaillé, qu'ils ont subi, on a dû appeler la police, rendez-vous compte, pour faire la lecture unique en son genre, c'était assez incroyable. Aujourd'hui, dans notre prochain contrat-programme, c'est TAX, donc le contrat-programme des centres culturels, pour ceux qui sont des centres culturels, évidemment, vous comprenez, on a inscrit l'axe cuir dans l'action intensifiée, donc c'est vraiment une volonté de le marquer et d'être incontournable à ce niveau-là, c'est très très important. On veut que ce ne soit pas une option, il faut vraiment que ce soit un engagement. On veut créer des espaces plus inclusifs, des espaces safe, offrir des outils pour défendre ses droits et raconter ses histoires, donner toute leur place aux formes artistiques qui questionnent, bousculent et libèrent. Aujourd'hui, grâce à vous, à votre présence, à votre engagement, cette journée est une pierre de plus dans cet édifice commun qu'on doit construire, avec des artistes, des intervenants du milieu associatif, des créateurices, des passeureuses, des rêveuses, bref, avec des gens qui font avancer le monde dans la bonne direction. Aujourd'hui, je vous invite en toute liberté, en toute curiosité, à prendre part aux ateliers, aux discussions, aux réflexions et peut-être aussi à quelques éclats de rire, enfin, en tous les cas, j'espère. Parce qu'enfin, être cuir, c'est aussi et peut-être surtout réinventer nos manières d'exister, d'aimer, de lutter et de rêver. Bienvenue à Centrale, bienvenue chez vous. Voilà, désolé, c'était un peu discours, mais il y avait des mots que je ne voulais absolument pas oublier. Et donc, je les ai écrits. J'ai fait mon ChatGPT tout seul. J'ai pas mal pleuré parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est un combat. Et putain, et c'est pas le moment de lâcher parce qu'ils sont en train de revenir en fond, quoi. Et ça me fait terriblement peur. Et donc, si nous, les centres culturels, si les espaces culturels ne nous ouvrons pas à la culture cuir, ne défendons pas la culture cuir, ne défendons pas le droit à la différence, ça n'ira pas. Et donc, merci d'être là. Vraiment, c'est ultra important pour moi, pour nous. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Oui, donc Vincent qui est directeur de Centrale La Louvière, j'ai oublié de le préciser. Alors, merci beaucoup pour cette prise de parole. Donc très rapidement, comment ça va se passer la journée? Donc là, nous allons avoir une discussion entre Sarah Selma Dolores et Thibaut Galland, que je vais introduire juste après. Ça terminera par une séance de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, gardez-les pour la fin, mais gardez-les précieusement. Ensuite, nous aurons une pause midi pour se Ben oui, c'est important pour se sustenter et échanger. Et puis, il y aura des ateliers cet après-midi. Alors, a été envoyé par mail une proposition de mettre vos préférences, enfin de mettre les ateliers de l'après-midi par ordre de préférence. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, pas de problème, vous pourrez encore le faire ce midi. Et donc, puisque la question m'a été posée, en tout, vous pourrez assister à deux ateliers. Ce sera une heure d'atelier, une demi-heure de pause, une heure d'atelier. Et donc, ces ateliers, ce sera en plus petit comité et ce sera vraiment un lieu pour échanger, partager, construire ensemble. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le déroulement de la journée. Évidemment, je me permets de rappeler le cadre de cette journée qu'a déjà bien mis en place Vincent. On veut évidemment que ce soit un lieu de respect, d'ouverture. On vous a demandé d'inscrire vos pronoms sur vos petites nominettes. Alors je sais que ces nominettes parfois se détachent. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas de nominette, ne présupposez pas de son ou ses pronoms, mais n'hésitez pas à demander, parce que c'est aussi un geste qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais en fait, au plus on le fait, au plus c'est simple, et au plus c'est simple, au plus c'est simple. Et n'hésitez pas aussi, si vous prenez la parole, etc., n'hésitez pas évidemment à parler de manière, à pas hésiter à parler de manière située, à parler en jeu, de là d'où vous venez, et éviter des généralités, mais parler évidemment de... Voilà, et avec bienveillance et respect, et en supposant aussi que la personne en face veut bien faire et défend son propos de manière honnête et bienveillante, ça aide. Mais voilà, c'était juste précautions d'usage avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors nous avons tout d'abord à ma gauche, extrême gauche, Sarah Selma Dolores, artiste multidisciplinaire. Elle adore investir les espaces publics et les espaces qui ne sont pas a priori dédiés au spectacle vivant pour y amener plein de belles choses et plein de bazar, comme par exemple sa concerie des connasses et avant ça son charivari qui ont défrayé la chronique quelques fois à la Louvière et au-delà. Elle est artiste de cabaret, metteuse en scène notamment de Finis ton assiette ou de Rire pour en finir avec soi-même et bouffonne, selon ses propres termes. Et puis à ma gauche, mais un peu moins à ma gauche, il y a Thibaut Galland. Thibaut qui est chercheur et formateur. Il travaille chez Culture et Démocratie, qui est une association de formation permanente qui travaille sur les droits culturels. Et il mène actuellement un projet de recherche participative autour de l'effectivité des droits culturels. Mais Thibaut, qu'est-ce que c'est ? Eh ben... Putain, je suis crevé. Ben on va enchaîner. Ouais, ça va et toi ? Ouais. c'est terrible, des démarrages, des présentations. On y va ? Ouais. Tu veux qu'on resitue un petit peu le processus ? Ouais, quand même. Ouais. Vas-y. D'abord, on a demandé à Alexia de poser un micro ici. Comme ça, c'est plus simple. Vous n'avez pas à le demander. Vous vous levez et vous cassez. Non, vous prenez le micro et si vous avez envie de parler, n'hésitez pas. Donc Thibaut et moi, on s'est vus en amont pour préparer cette rencontre suite à cette invitation qui nous a été faite. Pour moi, il était quand même important de... Est-ce que c'est déjà le moment ? Est-ce qu'on peut le faire ? Il était important quand même de définir cette histoire de queer. Je peux démarrer comme ça ? Vas-y, ça te va ? Commence un petit peu. Donc pour moi, je sais que c'est discutable et on peut faire un débat, mais peut-être que c'est pas. Mais pour moi, on n'est pas queer. On queerise en tout cas. Moi, je suis dans une énergie plutôt du verbe, hein, du verbe d'action même. On queerise la vie. On est queerisable. On est queerisé. On est finalement, il y a du mouvement dans la question queer. Et pour moi, je souhaiterais tellement que ce ne soit pas une étiquette, c'est une non-étiquette, et c'est pour ça qu'elle a été... Bon, il y a plein de gens qui le savent ici, mais donc pour nous, avec Thibaut, quand on s'est rencontrés, j'ai commencé par ça, de dire pour moi, ça n'existe pas. On est queerisé, on est queerisable, on sort, on se travaille, on se défait, on se fait, on se reconstruit, on se redessine en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que non-binaire, en tant que... Mais voilà, et que j'avais envie aussi d'ouvrir la question queer aux vieux, aux bizarres, aux freaks, à tout un tas d'autres personnes plus larges que finalement la sphère LGBTQIA+. Voilà, donc ça me paraissait important de vous le dire, puisque cette remarque a ouvert la question des droits culturels et de la déclaration de Fribourg. Et du coup, Thibault a fait oui. Est-ce que, j'imagine, dans les centres culturels, tout le monde a entendu parler des droits culturels ? Non. Ah, ça, c'est intéressant. Et dans les artistes et autres personnes qui ne sont pas affiliées à un centre culturel, non plus. La déclaration de Fribourg, non. Ouah, c'est génial. Non, mais c'est trop bien. C'est comme quand on t'offre un livre que tu n'as pas lu, tu vois. T'es là, c'est trop bien, parce que là, vous allez tomber sur un truc, ça va vous faire mâcher, quoi. Donc lui, il est spécialiste là-dedans. C'est un ça. Peu, quand même. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et boum. On peut mettre le slide suivant, Alexia. Donc quand même, juste moi, en tant qu'artiste, cette déclaration de Fribourg, ça a changé ma life. Je suis tombée dessus il y a 7-8 ans et j'ai fait « Ah, ok, en fait, c'est un droit comme le toit, le logement. C'est un putain de droit. » Ouais, tout à fait. C'est une belle amorce. Merci pour vos intros, en tout cas. Du coup, ce qu'on se propose, c'est peut-être de resituer un peu la question des droits culturels, de la déclaration de Fribourg, au regard des référentiels des droits humains, plus largement. Comme ça, ça va, vous m'entendez bien, ouais. Ok. Des droits humains plus largement, on va faire ça une petite dizaine de minutes. Hein. Vous aurez accès à toutes les ressources, donc pas de grand stress si c'est quelque chose qui est plus vague ou inconnu pour vous. Et puis après, on reposera un peu les missions et le cadre d'action des centres culturels pour celles et ceux qui viennent d'autres secteurs ou d'autres endroits, d'autres situations. Et puis on continuera sur une petite conversation sur cette base-là. Donc, sans être trop non plus scolaire, hein, on voit un peu une série de références vraiment au regard des droits culturels et des droits humains plus généralement. J'ai commencé à partir de 1948 avec la Déclaration universelle des droits humains, mais évidemment, ça remonte à des périodes beaucoup plus antérieures. Hein, mais en tout cas, avec la création de ce qu'on appelle le droit international en tant que tel, on se resitue ça souvent avec la Déclaration universelle des droits humains. Puis vous avez toute une série d'autres référentiels. Alors à chaque fois, Alexia, tu peux mettre la page suivante. Je pense que tout le monde a un peu parcouru. Voilà, vous avez un petit peu des points clés de la logique de comment ces référentiels fonctionnent un peu. Hein. Donc la Déclaration universelle des droits humains, je pense que tout le monde en a un peu vaguement entendu parler, si pas plus précisément. C'est vraiment cette idée qu'on va déclarer au sortir de la Deuxième Guerre mondiale des droits humains qui valent pour toutes et tous. Hein. Donc il y a quand même le principe d'égalité, de fraternité, de sororité, hein, on pourrait le dire aussi, qui vaut entre tous les êtres humains et qui sont reconnus et posés comme tels. Et donc là-dedans, à l'article 22, on pose l'existence de droits économiques, sociaux et culturels, comme les droits civils et politiques que vous connaissez peut-être aussi. Donc c'est déjà posé en droit quand on pose l'existence de droits, ça veut dire que d'un coup ils existent. On n'a pas encore expliqué ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça veut dire que ça, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. On explicite un peu les droits culturels plus précisément à l'article 27. Hein. Vous savez un peu les ASBL, l'article 27 qui bosse un peu en Wallonie. Eh bien, ça vient aussi de cette idée-là que quand on parle de droits culturels, un des points d'entrée pour en parler ou pour les définir, c'est la question de l'accès et de la participation à la vie culturelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie culturelle ? C'est aussi un autre débat et ça va arriver un tout petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui se pose avec 1948, la Déclaration universelle des droits humains. 20 ans après, toujours à un niveau du droit international, hein, parce que tout ceci, ça se passe au niveau des Nations Unies, qui sont un peu en plein développement, eh bien, on va avoir un pacte. Donc, il pose vraiment des obligations pour les États parties qui vont les signer. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on est obligé de mettre en œuvre certaines choses, de respecter et de protéger d'autres droits en ce sens-là, là où la déclaration, c'est plutôt une autorité morale, symbolique, mais qui est quand même assez forte. Hein. On ne peut pas faire sans la déclaration des droits humains. Et donc, le pacte va préciser les responsabilités, les obligations en termes de respect, de protection, de réalisation. Il va développer du coup toute une vision du droit, hein, où en fait cette question du respect, de la protection et de la réalisation pour mettre en œuvre ces droits véritablement, ça se passe à travers des procédures. Et souvent, les droits socio-économiques et culturels, ce sont plutôt des droits de deuxième génération, on peut les appeler comme ça, puisque l'idée est plutôt qu'on va dire aux États qu'ils doivent mettre en place des conditions pour que ces droits se réalisent. Et ça se passe souvent du coup par une fait de déléguer le pouvoir qu'il y a ces droits à des entités, à des instances associatives notamment, etc., telles que les centres culturels. Okay ? un point important, au regard aussi de notre contexte, hein, c'est que dans ce pacte-là, déjà à ce moment-là, il y a un principe de standstill. Standstill, en anglais, ça veut dire le fait que ça ne bouge pas, que ça ne régresse pas. Donc, a priori, tous les acquis qui ont été posés en termes de droit, on ne peut pas revenir en arrière. Ah ah ! C'est super, hein, sur le papier, mais du coup, ça veut dire qu'au niveau des procédures que les États et les délégations de pouvoir vont mettre en place, etc., ça veut dire qu'il y a un besoin d'évaluer ce qui est mis en place au niveau des politiques culturelles, etc. Donc, c'est un peu tout ça qui doit se développer et qui est posé à partir de 1966. Au niveau de notre Belgique à nous, parce que tout ça, c'était au niveau international, ben, on en arrive en 93, en 93, s'il y a des Français dans la salle. Eh bien, avec la Constitution belge, donc vous voyez quand même la temporalité des choses. On est quand même presque 30 ans après pour que ça arrive enfin à la Constitution, presque plus de 50 ans après, depuis la Déclaration universelle. On nous pose une obligation d'épanouissement culturel et social, l'article 23 de la Constitution. Donc ça, c'est toujours intéressant de se dire qu'il y a un objectif constitutionnel en Belgique fédérale qui est de favoriser l'épanouissement culturel et social. Donc même au niveau des États, des entités fédérées, hein, par exemple la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, si à un moment une régression, on peut quand même se retourner vers la Constitution en disant hey, « ça a quand même été posé dans la Constitution, donc là il faut peut-être un peu se questionner ». Après, je vais très vite, hein. Désolé, on pourra en reparler dans les questions, mais c'est pour vraiment mettre un peu un horizon référentiel et éthique dans votre tête, si vous ne l'avez pas déjà. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la Constitution, ben, on pose ça, cet objectif constitutionnel d'épanouissement culturel et social. En fait, ça a été très peu saisi par les juges, les législateurs et législatrices, pardon, mot pas évident à dire. Donc, c'est-à-dire dans le fait de créer des lois, de pouvoir juger au regard de ces droits-là. Ce n'est pas évident d'arriver en cour de justice et dire que nos droits culturels sont bafoués. Mais en même temps, ça peut se discuter. Hein. Et il y a des cas, des précédents, notamment pendant le confinement, pour en reparler. Mais en tout cas, ça délègue... Il y a quand même une réalité qui existe, c'est au niveau des entités fédérées, en particulier au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a vraiment des décrets, c'est le type de texte juridique qui est promulgué au niveau de la Fédération, et bien des décrets qui se saisissent de ces droits culturels, notamment celui des centres culturels, et puis d'autres, les arts de la scène, projet des décrets au niveau de la diffusion, etc., etc. Je continue ma petite avancée, chemin faisant. On retourne, donc là on était descendu jusqu'en Belgique, on revient au niveau du droit international. Donc ça montre quand même qu'il y a une discussion entre les différents niveaux. Hein. Donc ça c'est quand même aussi intéressant de voir que tout ne se passe pas dans des instances internationales, etc., etc. Non, c'est vraiment aussi des va-et-vient entre les deux, avec notamment la charte pour la protection et la défense des... La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc ça, c'est vraiment un texte entre 2001 et 2005. Et là, c'est du côté de l'UNESCO. Donc c'est aussi les Nations Unies, mais plutôt éducation et culture, qui va promulguer une charte puis une convention, donc avec une force d'obligation, pour défendre la diversité des expressions culturelles. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'accès et de participation. Il faut qu'aussi, dans cette vie culturelle, il y ait de la diversité. La diversité de quoi ? Ben, des expressions, des différentes cultures qui existent. C'est notamment un texte qui a été porté par des mouvements autochtones dans différents endroits du monde pour justement se défendre par rapport à un risque d'absorption dans de la globalisation, etc. Et aussi, par exemple, sur des questions d'exception culturelle dans certaines nations, notamment la France, elle est beaucoup sur ce débat-là, de se défendre, de pouvoir sauvegarder, promouvoir sa propre culture par rapport à des formes d'impérialisme culturel, l'impérialisme culturel américain, pour ne pas le citer, puisque c'est beaucoup un texte qui a été réfléchi dans les années 80 et 90 pour vraiment être promulgué dans les années 2000. D'accord. Un autre point intéressant de ce texte-là, et surtout dans notre contexte, c'est que ça pose au niveau des droits culturels et de ce que peuvent être des biens et services culturels, c'est qu'il y a une double nature. À la fois une nature qui renvoie vraiment dans le côté culturel, professionnel, etc., mais aussi du côté économique. Ça, c'est intéressant, vu qu'on est parfois dans des logiques de libéralisation économique et qu'on montre qu'en fait, la culture, avec la diversité culturelle, c'est intéressant pour l'économie aussi, parce que ça permet d'avoir des systèmes économiques qui soient peut-être plus transparents, qui aient une gouvernance qui soit peut-être un peu plus dans la concertation, dans la délibération, etc., etc. Et surtout dans l'inclusion des uns et des unes et des autres. D'accord ? Bref, ça va, je continue, je suis bon. On arrive un peu vers les dernières références pour arriver à la déclaration de Fribourg que Sarah a annoncée en teasing. Il me reste 5 minutes sur le premier point. Ah, trop bien, cool. Ah, super, trop bien, ça, je suis bien. Un autre texte qui est important au niveau international, et ça vous explique un peu certaines choses, c'est que je vous ai parlé qu'il y avait un besoin d'évaluer les choses qui sont mises en place au niveau des États. Donc au niveau des Nations Unies, ça fonctionne avec un comité, un haut commissariat, au niveau des droits humains, d'accord, qui va un peu avoir des différents rapports périodiques, notamment avec des experts externes, ce qu'on appelle les rapporteurs, la rapporteuse spéciaux, spéciale sur certaines matières. En Belgique, on a notamment un rapporteur spécial au niveau de la grande précarité et du droit à l'alimentation, si je ne me trompe pas, qui est Olivier de Schutter, qu'on entend assez souvent à la radio. Et puis, il y a aussi une rapporteuse, ça a souvent été des femmes, c'est peut-être questionnant, mais au niveau des droits culturels. D'accord, il y en a eu plusieurs depuis la mise en place de ça. Et cette personne va vraiment aller dans différents pays. Hein, elle va vraiment visiter, voir un peu ce qui se met en place au niveau des droits culturels dans ce pays-là. Elle va émettre un rapport qui est vraiment très situé sur les pays. Mais elle va aussi publier des rapports plus thématiques. D'accord. Et là, par exemple, cette observation 21, c'est un peu dans ce cadre-là d'essayer de proposer une tentative d'interprétation plus précise de ce que sont les droits culturels. Parce que vous le verrez tout au long de la journée, et surtout pour les centres culturels, quand on parle de droits culturels, accès, participation, ok, mais après, c'est un peu flou parce que c'est lié au fait que définir la culture, c'est pas quelque chose de très évident. D'accord. Donc c'est une observation que je vous recommande de lire si vous avez envie de vous amuser cet été, c'est toujours sympa, mais qui précise vraiment le contenu normatif, donc les normes qui sont derrière ces droits culturels, qui va définir, donner une définition de la culture, avec une définition qui est assez large, donc qui sort des champs professionnels de la culture strictement, pour avoir une définition un peu plus anthropologique, ce que va reprendre la déclaration de Fribourg également, d'accord ? Donc renvoyer au-delà de la création, des pratiques artistiques, d'expression amateur, professionnelle, artistique, etc., vraiment à la question des institutions, des modes de vie, des traditions, etc., etc., vraiment dans une perspective beaucoup plus large. Et qui pose aussi certains enjeux qui doivent être travaillés, notamment sur la question de l'accessibilité à la culture, on revient un peu à ça, sur la question d'avoir une offre qui soit disponible pour toutes et tous au sein d'un territoire, ce qui passe aussi par de l'information pour savoir ce qui existe au sein de son territoire en termes culturels, en matière de culture, des contenus qui soient aussi acceptables, respectueux des communautés qui peuvent être en présence, par exemple sur les communautés cuir, ça pourrait se jouer à ce niveau-là, puis l'adaptabilité des moyens, l'adéquation, etc., etc., et aussi, et ça nous ouvre déjà à d'autres horizons, c'est que les droits culturels, ils sont nécessairement liés aux autres droits humains. Vous savez peut-être, les droits humains, on les comprend dans leur interdépendance, donc ils fonctionnent vraiment de façon corrélée, de façon complémentaire et de façon indivisible. Donc ça veut dire que si vous prenez un droit humain, vous êtes obligé de tout prendre d'un coup. Alors on est d'accord que c'est un horizon éthique, on ne va pas faire ça en une fois, ça demande du temps et des procédures, des évaluations, etc. Mais qu'a priori, c'est un horizon vers lequel on veut tendre et on veut arriver. Intersectionnalité des droits humains. Complètement. Je ne sais pas s'ils étaient déjà sur ce terme-là, mais ça serait complètement là-dessus. Donc on parle de culture, mais on va parler évidemment d'habitat, on va parler aussi de liberté d'expression. La liberté d'expression, ça n'existe pas si on n'a pas eu de l'instruction, en quelque sorte, un rapport au langage qui puisse se développer avec peut-être des concepts ou peu importe, mais en tout cas, qu'il y ait ce travail qui soit fait. Super. On peut passer à la page suivante et j'arrive à la déclaration de Fribourg. Voilà. Donc, la déclaration de Fribourg. Sarah ? Oui, Thibault. Voilà, c'est ça. Non, parce que d'un coup, j'étais parti sur autre chose. Donc, Sarah, elle l'a un peu resitué. Elle a dit que ça a vraiment fait événement, ce texte, pour elle. Et en fait, ce texte-là, la déclaration de Fribourg, c'est tout ce que je viens de vous dire, mais dans un texte qui fait un peu la synthèse de tout ça et qui essaye de travailler les articulations entre tous les différents droits que je vous ai un peu balayés très rapidement. Donc, c'est un texte qui est très intéressant, qui n'est pas nécessairement le plus facile d'accès, puisque ça reste comme un peu du droit et de la philosophie, mais en tout cas... Oui, mais ChatGPT, des fois, tu mets un texte et tu lui dis... Explique-moi ça comme si j'avais 5 ans et demi. Et il le fait. Et ça serait super de nourrir l'IA, justement, avec un besoin de pédagogie au regard des droits culturels. Mais c'est ça ce qu'il faut faire. C'est super. Non, mais il faut faire ça. Il faut contrecarrer la logique d'absorption des IA. Mais il faut moins que ça serve à quelque chose. Donc je continue, ça va toujours, vous suivez ? Ouais, petit marathon des droits culturels. Donc, déclaration de Fribourg, c'est vraiment une synthèse de tous ces différents droits. C'est intéressant parce que c'est un projet qui vient de la société civile, aussi de certaines universités, mais en tout cas vraiment dans un dialogue assez étroit avec la société civile, des associations, des experts de terrain, etc., en nourrissant cette synthèse au regard des droits culturels, et ça les formule à travers 8 droits culturels sur lesquels on va pouvoir retenir. Ici, je vous ai laissé des petits carnets de découvertes. Prenez-les. Après, juste après, vous allez un peu, on va faire des renvois au regard de ces droits culturels avec la conversation qui va suivre avec Sarah. Donc c'est des questions qui sont liées mais au droit à l'accès à la participation à la vie culturelle, je l'ai dit, au droit à, qu'est-ce que j'ai dit, à la coopération aussi, à la gouvernance, on en avait un peu parlé, à des questions de droit à l'éducation, à l'information, je l'ai un petit peu mentionné aussi, mais aussi des questions liées au droit à l'identité culturelle, à la diversité des expressions culturelles, je l'ai dit aussi, au droit au patrimoine culturel, à la communauté culturelle. Ça, je pense qu'avec ce que Sarah va nous partager, on va y revenir un peu plus précisément. Un autre point, une autre traduction synthétique un peu de tous ces droits culturels, c'est un peu les travaux de Céline Romainville, qui est une juriste constitutionnaliste belge, prof aussi d'université, qui a fait une thèse de doctorat autour de ces droits culturels, plus précisément du droit à la culture, avec un objectif qui est peut-être moins d'avoir un rayonnement politique, philosophique, moral, comme pouvait l'avoir aussi la Déclaration universelle des droits humains et la Déclaration de Fribourg, mais vraiment un objectif très situé au niveau des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui veut donner un peu un outil, un instrument juridique pour se saisir du droit quand il y a des politiques culturelles qui ne vont pas assez bien dans le sens d'un droit de participer à la vie culturelle. Voilà, je ne pense pas que je vais être plus long sur ce point-là, hein, parce que je le dépasse de toute façon, c'est ça. Mais vous dire que de toute façon, toute cette chronologie que je vous ai posée un peu là, ce sont des choses, c'est des matières qui sont vivantes. Le droit, c'est une science humaine, hein, une science vraiment sociale aussi. Donc elle est liée à des contextes politiques, elle est liée à des mouvements de l'histoire aussi. On le voit très bien avec la Déclaration universelle des droits humains. Et donc tout ceci est toujours en interprétation constante. Donc même si on a l'impression de rien piger, c'est pas grave. Le but, c'est de se mettre un peu dans ce mouvement-là de réflexion et de voir comment les droits culturels, c'est finalement des outils pour venir travailler un peu... la façon dont on pose les choses, dont on pense la création, dont on pense des actions culturelles, dont on travaille nos postures, dont on va faire avec les uns, les unes et les autres. D'accord ? Voilà. C'est bien. Et du coup, vas-y. Bravo. Hein. Un peu, ouais. Ça va ? Et donc, en tout cas, nous, on s'est dit avec toute l'équipe, avec Alexia, Emmanuel, Thibault, c'est que finalement, moi, je pouvais rentrer par la question du témoignage, qu'est-ce qui m'est arrivé, pour voir si finalement, comment cette question des droits culturels, elle a agité mon travail. Donc, je vais repartir de ça. Donc, je lis cette déclaration de Fribourg, qui m'agite, parce que moi, je viens du théâtre de rue au départ. J'ai commencé par faire du théâtre de rue, ce qui est devenu création de l'espace public, qui est plus cool. Mais j'ai commencé à faire ça. Et j'ai pu aussi vivre, il y a des temps institutionnels, hein, même pour le théâtre de rue, et donc on a eu la grande période du participatif, la grande période du ci, du ça. Et la question des droits culturels, la déclaration de Fribourg, pour moi, elle a agité comment qu'était une question qui était de faire avec les gens. De faire avec, d'arrêter de faire des objets pour. Ce que nous, on fait, artistes, la plupart du temps, on fait des objets pour. Donc, en gros, le protocole, c'est on s'enferme 6 semaines dans une salle toute noire, et puis on ouvre la porte, et puis on fait des objets pour. C'était de faire des objets avec. Et c'est pas avec juste on te place et tu lèves le bras quand le metteur en scène a fait 3 sessions avec toi. Non, on les fait vraiment avec. Donc, rencontre avec Vincent Thirion, Alexia Zoina, Lorena Ciccione, il y a quelques années, qui vient nous voir au cabaret Mademoiselle. Donc, j'avais aussi à côté une activité de performeuse bouffonne drag queen au cabaret Mademoiselle. Qui vient nous voir et qui dit nous à Centrale on aimerait faire quelque chose mais on ne sait pas. Et c'était drôle parce que en tant qu'artiste queer, donc j'étais avec Renaud, le directeur du cabaret Mademoiselle à l'époque, moi j'étais juste venue conduire la voiture, hein, et je vois Renaud devenir tout blanc, Sacha, sa camarade, devenir toute blanche, balbutier, et j'invente dans le bureau de Vincent, mais oui, bien sûr, on va faire un truc avec des ateliers, des machins, et j'invente un projet sur le bureau, comme ça, à la fraîche. Et en fait, c'est ça qui a été assez intéressant, c'est que on a pu... Et là, je m'adresse au centre culturel. Finalement, ce projet qui est devenu Charivari, hein, qui va être le projet exemple que je vais vous décortiquer un petit peu, eh ben, on a pu le fabriquer ensemble. Parce que réellement, je ne pense pas que ça existe juste dans ma petite volonté personnelle. Ça, c'est impossible. Donc Charivari, qui ne s'appelait pas Charivari, qui d'abord s'appelait After Show, qui avait été programmé. D'abord, Vincent nous dit, j'ai envie d'une petite fête, on va faire un spectacle un peu queer, j'ai envie d'une fête après. On dit, et nous, là, en tant qu'artistes, on dit, ouais, une petite fête, mais c'est hors de question de faire des gigs à 300 balles et de faire des trucs, quoi. On dit, d'accord, mais on veut une semaine de résidence. Et puis, alors, on recommence dans une négociation, hein, dans un dialogue avec Vincent, avec Lorena, avec Alexia, pour gratter des choses. Un centre culturel venait de nous ouvrir la porte, on a mis le pied et on n'a pas lâché, quoi. Et donc, on a fait ce premier after show, où là, au tout début, pour nous, en tant qu'artistes de cabaret, il s'agissait juste, c'était la première fois qu'on avait des espaces de résidence avec une semaine de répétition. Ça ne nous arrive jamais. Et donc ça, quand les centres culturels viennent nous dire « Vous avez un spectacle à nous vendre ?» Ben, en fait, ça ne nous arrive pas. En tout cas, pas à cette époque-là. Et donc, une semaine de répétition ensemble, on n'avait jamais eu ça au cabaret Mademoiselle. Donc, on en profite, tac, tac. Et la deuxième, entre ce moment-là, je lis cette déclaration de Fribourg et je dis, en fait, j'ai envie de faire des ateliers. On a envie de travailler ce truc-là. On fait le constat avec Vincent. Je fais une recherche. Donc, ce qu'on fait, nous, au théâtre de rue, on fait des repérages. C'est pas qu'on joue pas n'importe où dans la rue. On a besoin d'un mur, on a besoin d'un truc. On fait un repérage. Et donc, j'ai commencé à faire un travail de repérage, un travail in situ pour savoir c'était quoi l'activité LGBTQ à la Louvière. Il y avait une pizzeria tenue par un couple de gays, That's All, qui peut-être de temps en temps programmait une copine, mais rien de plus. Il n'y avait rien, mais rien. Et la pizzeria, je ne suis même pas sûre qu'elle met un drapeau arc-en-ciel sur sa porte. Hein. Elle a peur qu'on lui casse son truc. Donc on se dit, bah, il n'y a rien. Mais on sait qu'il y en a des homosexuels sur le territoire. Sauf que nous, on n'habite pas sur le territoire. Et là, c'est l'importance extrême d'avoir une équipe qui connaît son territoire, qui connaît ces gens ou qui va à la recherche. Et donc là, on a Alexia, on a Lorena. Elles partent, elles discutent, elles prennent du temps. Et elles tirent les gens à l'atelier. Parce qu'il ne suffisait pas de faire « Inscription, on va faire des ateliers autour du cabaret. » Ça ne marche pas. Elles ont fait un travail extraordinaire d'aller chercher. Alors, bon, il s'avère qu'il y a des homosexuels dans la famille d'Alexia. Donc, on avait des infos. Mais, quand même, sans ça, ce n'est pas possible. Par ailleurs, que propose Centrale à ce moment-là aussi ? C'est d'aller voir la MAC. Il y en a une à Mons, on y va. Alors, la MAC à Mons, la MAC à Charleroi, et de dire « on fait », mais pas de le dire qu'une fois. Et donc, on se retrouve avec un premier petit groupe. C'est le début un peu de cette nouvelle explosion du cabaret. Un groupe avec quelques personnes LGBTQ, des vieux, beaucoup de gens en burn-out. Beaucoup de gens en burn-out. Ça fait partie des queers pour moi. C'est des gens très étranges. Et on fait quatre ateliers. Quatre ateliers où la question de mon ambition personnelle en tant qu'artiste devient secondaire. Les gens ont besoin de parler. Donc je fais un truc comme à l'Astérac à l'époque. On démarre en cercle et je dis aux gens, humeur du jour, dites-moi comment vous allez, où est-ce que vous en êtes, etc. Et là, on s'aperçoit que... Blah ! En fait, il y a besoin de parler et que juste déjà parler, dire bonjour, je m'appelle, c'est chaud. Au début, c'est un moment qui démarrait, qui durait 30 secondes, genre oui, non, rien. À la fin, on était au courant, mais des posologies de benzodiazépines des uns, des coups de cul des autres. C'était hilarant, mais c'était un moment hilarant. Et à la fin, on arrivait même à faire des parodies de ce qu'avaient dit les autres. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un endroit d'un gros mot que les artistes n'aiment pas trop, qui s'appelle socio-culturel, qui est hyper intéressant. Et finalement, ça déplace. C'est pas que... Il n'y a pas d'exigence sur ce genre de projet, mais il n'y a pas d'ambition professionnelle. Parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que ça se passe sur du présent. Je tiens aussi quand même, pour entrer dans des choses concrètes, des actions d'art partagé, ça coûte cher. Voilà, en gros, c'est un investissement. Ça coûte cher. Là, en l'occurrence, il y avait une réelle volonté de centrale, donc ils ont mis des sous. Et du temps et de l'énergie et des gens. Donc nous, on est arrivés avec cette histoire de cabaret parce qu'on venait de là, parce que c'était ça qui nous agitait. Je me perds dans mon bazar. Mais donc, on construit le protocole comme ça. Et aussi, je n'ai pas de chargé de production à ce moment-là. Ce n'est pas possible d'imaginer ce que je vais faire à la fin. Donc, nous, en tant qu'artistes, ceux qui ont des chargés de production, des choses comme ça, ça, c'est mort. Hein. La production, elle se fait au jour le jour. Le budget, il se fait au jour le jour. On essaye de se dire, bon, on va avoir besoin de tant, mais ça se fait au jour le jour. Donc, voilà, on a fait l'année qui a suivi, on a fait 8 ateliers. C'est devenu un engagement. Tous les samedis, de janvier à février, se lever le matin, prendre le train pour aller à La Louvière. C'est samedi, ça veut dire que le lundi au vendredi, on a bossé. Hein. Aller à La Louvière, travailler, terminer à 18h, rentrer chez soi à 20h, à 21h, baver. Donc c'est plus que juste je vais faire mon petit numéro. Et puis il y a quand même un truc à initier. Ouais. Super. Comme ça, vous avez du teasing, vous ne savez pas encore ce qui va arriver juste après, mais comme ça, ce que je vous propose aussi, c'est pour faire le lien vraiment avec les droits culturels, c'est un peu de faire de la traduction avec ce que Sarah explique au niveau de son témoignage, avec comment ça peut se connecter avec les droits culturels. Donc ça, c'est un bel exercice aussi pour les travailleurs, travailleuses de centres culturels et pour les autres, ça vous permet aussi de voir qu'est-ce que ça veut dire ces droits culturels-là. Donc il ne s'agit pas de dire à la place de Sarah, il s'agit plutôt de nourrir cette traduction ensemble, d'accord ? Voilà. Super. Moi, je me dis, avec ce que tu nous as partagé, la question de la rencontre entre Sarah et les autres artistes et les centres culturels, d'emblée, il y a une question du droit à la coopération qui va venir se jouer. Donc, vous voyez, dans les petits carnets que je vous ai distribués, il y a les 8 droits de Fribourg qui sont repris. Il y a une fiche autour du droit à la coopération. Donc, si vous avez envie de les parcourir, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ça, c'est pour vous. Et donc, c'est finalement un droit qui va poser la question de comment est-ce qu'on se rencontre. Comment est-ce qu'on se connaît, comment est-ce qu'on se dit, nous on a ça comme compétence, vous avez ça comme moyen, comment est-ce qu'on mutualise en fait et comment on met ça ensemble dans l'optique d'essayer de faire quelque chose ensemble, de faire avec. D'accord ? Donc ça, c'est pour moi, c'est un peu un point d'entrée qui est intéressant, le droit à la coopération. Je profite parce que je sens aussi que des fois, j'ai des personnes qui viennent m'approcher pour faire des projets, donc plutôt du côté des centres culturels directoristes, qui s'excusent d'avoir fait un travail de curation. Hein, donc vraiment, souvent, qu'on peur de froisser mon ego d'artiste parce qu'ils ont une idée pour leur territoire. Là, je vais faire un projet à Namur bientôt de création sur du terrain. La directrice s'est excusée. Non, mais si tu veux, tu peux refuser. Mais on a une idée, on a rencontré telle personne, tel endroit, ce serait super que... En fait, c'est cool. On aime bien que vous fassiez de la curation. D'une part... Ça nous horizontalise le rapport entre artiste et directeur, parce que vous avez quand même du pouvoir. Moi, je suis une artiste, je n'ai pas de subvention, je n'ai pas d'aide au fonctionnement, je suis toute nue. Donc, je vous en donne en tout cas. Je ne sais pas si vous en avez, mais moi, je vous en donne. Eh bien, ce truc-là, venir avec une idée, une envie et l'insuffler dans l'oreille, ce n'est pas sale. Et nous, les artistes, de l'autre côté... Je pense que c'est cool aussi des fois de lâcher nos petites obsessions et notre nombril, même s'il est très important pour notre travail, sans égo, on ne fait rien, mais de lâcher pour et pas prendre ça comme une attaque ou une commande ou quelque chose comme ça. Trop bien. Ce que j'allais dire ensuite, c'était plutôt sur la question du droit à l'identité, et c'est clairement là-dessus, c'est finalement quelles sont, aussi en termes de diversité, quelles sont les identités en présence, les unes avec les autres, que ce soit de manière très caricaturale, hein, ou la question des artistes et la question des travailleurs socioculturels. Donc comment est-ce que finalement, avec ce que tu expliques, ça fait bouger un peu ces identités, en disant aussi, hein, tu le parlais en intro sur la question... de la notion queer, la notion queer, elle montre en fait que les identités, elles sont toujours en mouvement. Hein. C'est des trajectoires de vie qui vont faire que les choses sont en devenir plutôt qu'en, qu'en état identitaire. Hein, donc ça, c'est intéressant aussi à savoir. Et ce droit à l'identité vient un peu traduire ça et vient aussi poser les conditions pour que chacun, chacune puisse se dire au sein des espaces, hein, comme tu le disais, la réunion de bureau quand vous êtes rencontrés, etc. Mais c'est aussi tout le travail ensuite d'aller sur le territoire, de voir ce qui existe. Hein, parce qu'on en reparlera tout à l'heure avec la mission des centres culturels. C'est vraiment se dire, tiens, quelles sont les paroles finalement qui se vivent, quels sont les témoignages de ce qui se vit sur le territoire, comment ça fait sens dans la constitution des uns, unes et des autres, à la fois soi-même seul, mais aussi en commun. Ça, c'est toujours important aussi de le savoir, c'est que les droits culturels, c'est, ça part de la personne, mais ça part de la personne dans un collectif aussi. C'est pas juste nourrir son propre... Tu le disais très bien avec les artistes, hein, avec aucun et jugement de ma part. Pour la blague, à Charivari, les dernières éditions, le public était complètement chamarré, mais on avait des Bruxellois, et ça, c'était hilarant. Donc tout un tas de Bruxellois qui venaient et qui disaient, des amis queer à nous, hein, qui disaient, ah, ça fait du bien une fête, on n'est pas contre nous. Et en fait, c'était génial parce que l'image, elle se polarisait dans les deux sens, elle était merveilleuse, quoi. C'était que tout d'un coup, il n'y avait pas que... Voilà, vous avez compris. Tout à fait. Et du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on arrive vraiment en se demandant dans les espaces concrets, hein, dans les projets aussi qui sont développés, à créer les conditions pour qu'il y ait une diversité aussi qui puisse exister. Et c'est la diversité de l'autre, hein, par exemple du Louviérois qui rencontre la Bruxelloise, mais c'est aussi la diversité en interne et de voir de ce quoi on est porteur, porteuse aussi en termes de multiplicité d'appartenance, etc., etc. Et ça, je pense, t'en reparlera peut-être aussi avec le développement de Charivari et de ce que vous avez pu rencontrer. Un autre point pour continuer cette traduction aussi qui te nourrit, donc ça c'est super, moi j'aime bien ça. En allant sur les territoires, en voyant qu'en fait rien n'existe vraiment au niveau de la région du centre et de la Louvière en termes d'associatifs LGBTQIA+, par ailleurs aller chercher des alliances avec d'autres associations, c'est toujours une logique de coopération aussi hein, pour renforcer. C'est aussi de s'interroger, en fait, du coup, ce couple-là qui tient ce restaurant, peut-être qu'il crée une porte d'entrée à cette vie culturelle ou pas, en tout cas, mais en tout cas, c'était ça qui était en question. Donc, ça pose la question de l'accès des uns, des unes et des autres au niveau de ces possibilités queer d'expression ou pas. Et du coup, posant l'accès, c'est aussi de réfléchir à comment les uns et les unes et les autres peuvent y participer avec la proposition de Charivari notamment, la mobilisation, les alliances, etc. Et peut-être, après je te laisse continuer, hein, mais un autre point que je trouve intéressant dans ce que tu partageais, c'est vraiment dans ces échanges, dans cette coopération-là, je l'avais dit d'emblée, les droits culturels, moi je les observe plus au niveau de ma recherche avec les travailleurs, travailleuses de centres culturels. C'est à cet endroit-là que je suis moins dans les projets avec les populations, mais beaucoup plus, et les personnes, mais beaucoup plus avec les travailleurs, travailleuses et ce qu'ils font, comment ils réfléchissent, etc. Et du coup, moi ce que j'observais vraiment, et ton témoignage en rend compte aussi, c'est que en fait, c'est formatif quelque part, c'est réflexif, ça fait prendre du recul, etc. Mais c'est aussi, ça vous nourrit, ça nous nourrit, ça me nourrit aussi également. Mais donc il y a un peu une sorte de droit à l'éducation aussi là derrière, à la formation professionnelle aussi, mais de faire un peu bouger les gens par rapport à des projets qui sont pour les gens, hein, de se dire tiens, c'est intéressant peut-être de travailler avec une fois et de voir qu'est-ce que ça fait bouger de moi dans ma démarche, dans ma pratique, dans ma posture, dans la manière dont je pose mes idées aussi. Ça ne veut pas dire, et ça on y reviendra peut-être par la suite en termes de liberté de création, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du avec, hein. Ça ne veut pas dire que toutes les démarches de création d'emblée avec les centres culturels, c'est que des démarches participatives avec des gens dans la rue, etc. En fait non, c'est une porte d'entrée qui en fait, peut être très très intéressante pour penser la création et toutes ces phases avec les équipes, avec les gens. Donc ça repose par exemple la question de la résidence aussi, hein, et de la création artistique d'une autre manière, et voilà. Mais en tout cas, je dirais qu'il y a ce mot très merveilleux qui existe en Belgique qui s'appelle l'éducation permanente. Franchement, il fallait le trouver quand même, ce concept. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Et aussi, en tant qu'artiste, à l'époque, moi, je ne me sentais pas de monter sur scène pour faire un spectacle de cabaret. D'abord, parce que j'avais peur. Mais en plus, maintenant, en vieillissant, je pense que ça m'est difficile pour moi de penser que le cabaret, c'est sur une scène de théâtre. Parce que je reproche à cette institution, mais ça c'est devenu un temple où il est interdit de boire, de manger, de vivre, de péter, de rôter, de danser dans la salle. Je veux dire, dans l'histoire du théâtre, dans les théâtres n'ont pas été cet ordre-là. Les théâtres, avant le parterre, étaient quand même pour le peuple, les nobles au balcon, et quand les artistes étaient mauvais, ils recevaient des tomates. C'est fini. Depuis le XVIIe siècle, c'est dommage. Pas que je veux faire du populisme, mais j'aimerais plus de populaire. Et moi, j'ai mis 20 ans à rentrer dans un théâtre parce que je pensais que c'était pas pour des gens comme moi. Donc, il y a un truc qui m'a permis d'entrer dans ce théâtre, dans ce lieu que je rendais sacré, puisqu'il me regardait comme ça, il était écrasant. Ces protocoles-là m'ont permis de faire ça petit à petit, parce qu'on les a proposés, bien sûr, en dehors du théâtre. Parce qu'on voit bien que pour tout un... c'est pas que pour moi que c'est problématique de pousser la porte du théâtre ou du centre culturel. Alors on a fait, avec Alexia, on avait fait les cafés Racol. Café Racol, on trouvait un bistrot dans la Louvière, on disait « on va faire des dragouineries !» Et on faisait un petit... une invitation, et à la fin on disait on fait des ateliers, on fait les cafés racole. C'était pour racoler, quoi. Et je crois que ça, c'est important de sortir, malheureusement, il faut sortir du théâtre pour ensuite prendre la main et dire venez dedans. Dans ce même ordre d'idées, donc bon, je reviendrai, de toute façon je tout mélange tout, hein, je suis désolée, j'ai pas du tout un cerveau académique, ça ne va pas. Charivari n'était pas un spectacle. Charivari était une fête, et pour les personnes âgées, les personnes en difficulté, les personnes avec des hanches en plastique, tout ça, on mettait juste des tas de chaises, mais vraiment des tas de chaises en monticule dans la salle, mais en fait c'était une fête avec des interruptions pour que le public puisse parler, puisse échanger, puisse faire, et puis des flashs, des spectacles, des choses comme ce qu'on fait plus en cabaret, selon, avec des flashs, du bar, de la vie, de la danse, finalement même une action du public, quoi. Quelque chose de vivant pour tout le monde, avec la possibilité pour un tel ou un tel de dire à poil, ta gueule, enfin des choses ou pas, ou bravo et merci, hein, mais en tout cas qu'il y ait une possibilité de vivre, hein, de danser, de respirer, quoi, de pas être tout propre et s'excuser de tousser dans le noir. Les toilettes à lancer. Voilà, donc quelqu'un va faire pipi, je dis ça pour la radio, pour le montage de... C'est de la prostate, non. qu'est-ce que je voulais dire ? Déplacer les dieux de création. Tu veux que je te fasse du maillage ? Oh oui, maille-moi, on va se mailler. On va se mailler le mois prochain. Moi, je viens de l'éducation permanente, donc c'est vrai que j'ai peut-être déjà les tics, hein, tu vois. Mais faut pas hésiter à mettre des claques aussi au passage. Mais bon. Ce que tu disais là, juste là, hein, et puis vous, à un moment, si vous en avez marre que je fasse de la traduction, vous pouvez me le dire aussi, hein, mais pas de souci. Ok, très bien. Mais ce que tu disais là sur le théâtre comme institution, pour moi, là, on est dans du droit au patrimoine culturel. Hein, on est vraiment en train de parler... du théâtre tel qu'il a été, tel qu'il s'est développé dans l'histoire avec ses différentes phases, ses différentes manières d'être une institution au niveau d'un espace public, donc c'est-à-dire vraiment un endroit où les gens vont essayer de poser quelque chose ensemble qui fasse une sorte de lieu commun, en quelque sorte, ça pourrait être compris comme ça. Et ce que tu dis fait vraiment bouger ce qu'on pourrait comprendre par le droit au patrimoine, qui est clairement lié à une question de reconnaissance institutionnelle, mais reconnaissance aussi par le commun, par les gens qui vivent autour de cette institution. Et donc, voilà, c'est tout ce que tu partages. Je trouve que ça illustre très, très fort le fait qu'il y a des enjeux de vouloir essayer de créer un lieu. Vincent le disait d'emblée aussi, bienvenue chez vous. Donc, un lieu qui soit ouvert, qui ouvre ses portes, qui soit nourri aussi par les uns et les autres qui vivent sur le territoire ou qui vivent ailleurs aussi, hein, mais qui soit une institution, en fait, qui soit vivante, qui travaille le sens, le commun avec les uns et les unes et les autres. Ce café Racol, c'est aussi ça, quoi. Donc c'est intéressant de comprendre ça comme ça. Alors, après Charivari, bien sûr, sur le plateau, il y avait donc des participants, des participantes, mais des gens qui m'y amènent, Colette Collerette, Ernesto Coyote, des gens de la scène active du cabaret, aujourd'hui Angèle Bic francophone. Voilà. Et pour nous, c'était hyper important de faire coexister dans le même espace, parce que pour moi, c'est la vertu du cabaret. Si j'ai débouché des bolets au cabaret, c'est pas pour des nefles. C'est parce que le cabaret supporte, ouvre, demande jamais, et à personne, j'ai jamais vu quelqu'un au cabaret dire « T'as fait quoi comme école ? Tu viens d'où ?» Et ça, c'est la vertu de nos milieux, puisqu'ils s'inventent, ils existent. En fait, les cabarets, ils existent, ils s'inventent, ils deviennent très forts, puis pouf, ils disparaissent, puis il y a d'autres formes qui arrivent. Il fait que ça, le cabaret, il fait que de mourir, renaître. Enfin, dans mon esprit, en tout cas. Je fais des trucs, j'affirme, mais je n'en sais rien. Dans mon esprit, en tout cas. Donc, la vertu du cabaret, mais je dirais que c'est la même du théâtre de rue. Hein. C'est pareil, au théâtre de rue, personne ne te demande quelle école de théâtre tu as fait, d'où tu viens, si tu connais, tel metteur en scène. C'est que tu peux être pharmacienne le jour et stripteaseuse la nuit. Personne ne va te faire chier. Et personne ne va te regarder de côté. Et donc, il y avait cette porosité entre les amateurs et les professionnels qui était joyeuse, qui fait même qu'il y a eu des rencontres et des gens qui ont abandonné leur vrai métier pour se consacrer pleinement à la scène. Comment s'appelle-t-elle ? Johanna ? Voilà, Johanna, pharmacienne de jour, stripteaseuse la nuit, ben, elle n'est plus que stripteaseuse la nuit maintenant, hein, et feuilleuse burlesque, etc. Donc, c'est des milieux accueillants, on est accueillant, les gens de cabaret. On doit le rester, absolument. Et donc, c'était important pour nous de nous mettre dans cette chose-là. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que si la Baraka King, par exemple, veut venir sur le plateau, ici, sans faire tout ce travail en amont, etc., bon, c'est tout à fait possible, parce que d'abord, c'est merveilleux, et puis on les aime, et puis ça a de la gueule. Moi, je ne travaille pas pour Centrale. Je ne travaille pas pour Centrale, mais je t'embauche demain. Et donnez-moi une salle. Je cite la Baraka King, mais je pourrais citer les autres collectifs. Comme je suis vieille, je ne fais plus partie vraiment de la scène queer actuelle. Mais que ça ne peut pas exister comme une proposition artistique en tant que telle. Ça, je ne dis pas, mais moi, je vais même parler de l'endroit où je vois les choses et dans l'endroit où j'ai commencé. Et voilà, c'est juste ça. Et je pense aussi parce qu'il y a besoin de se battre aussi sur d'autres niveaux. Charivari, ça s'est fait, les porosités, les professionnels, les amateuris. Et puis, là, de nouveau, institution. Le fait d'avoir... En fait, de nous avoir... redemander de venir. Donc, en fait, d'avoir constitué un rendez-vous, ça, les rituels, quand même, nous, les humains, la répétition, on aime bien. Ça a fait qu'en fait, bah, on a commencé, on avait une petite salle de 100 personnes, je crois, et puis 200, et puis tata, et maintenant, les gens attendent ce rendez-vous. Et donc, ça, c'est super. C'est quand même... des fois, tu as envie d'être ailleurs dans ta vie, mais c'est quand même merveilleux. Pour la petite blague, la saison... prochaine, Charivari recommence, mais nous, on a lâché le projet. Ce sont les participants des premières saisons, deuxième saison, troisième saison, qui reprennent les ateliers et qui vont faire ce qu'on a fait. C'est-à-dire que là on pousse dans la vertu, là, on est vraiment, on devient des saints, c'est pénible. non, mais on a transmis le bébé. Parce qu'en fait, ils sont devenus, ils savent. Et je pense qu'ils savent assez et pleinement. Et en fait aussi, ne pas savoir, enfin bref, le maître ignorant. Mais c'est eux qui transmettront Charivari et nous, on viendra pleurer dans la salle d'émotion. Et ça, c'est super, on a filé le titre et tout le bazar. Dernière chose, tu veux faire un petit coup de plaquette ? Charivari, ça a aussi créé des choses qu'on n'avait pas prévues. Enfin, ça n'a créé que des choses qu'on n'avait pas prévues, mais dont une qui était avec Bastien. Nous, on en avait un petit peu marre. On voyait bien que les participants, les participantes, que c'était un peu le festival de la perruque 100% inflammable et des boas achetés sur Alibaba Express. Donc, on en avait marre et on s'est dit la Louvière a un patrimoine. On va travailler sur la question carnavalesque. On va tordre la question du cabaret. puisqu'on s'était dit, ce qui est faux, hein, c'est pas du tout une vérité historique, mais nous, on avait décidé que c'en était une, de dire la première apparition du premier travelot dans l'écriture historique, c'est au Moyen-Âge, au carnaval, à la fête des fous, puisque comme les femmes étaient privées d'espace public, il fallait bien quelqu'un pour les jouer. Bon, après, c'est vrai, hein, la drag queen, le travesti, est une invention du patriarcat, qui s'est retournée contre elle, contre lui, mais c'est l'interdiction des femmes dans l'espace public, hein, qui oblige des hommes à se déguiser en femmes. Hein. Donc, y a un bon fond de féminisme là-dedans. On devrait me dire, d'ailleurs, LGBTQ... Donc, on s'est dit ça, on s'est dit, ah, on va travailler sur la question du folklore. Bon, ben là, par exemple, on a peut-être fait une connerie. Voilà. Je ne sais pas encore. Mais donc, on travaillait les ateliers pour faire un spectacle, et puis on s'est dit, tiens, on va sortir dans la rue. Et là, ça a été plus compliqué. Donc, vous connaissez les gilettes de Binche, vous connaissez ? Hein ? Donc, on a fait, Bastien a fait ce costume, Bastien Poncelet a fait ce costume de gilette. Hein, Bastien, sa mère est originaire de la Louvière, etc. Hein, c'est son carnaval. On a créé la consoeurie autour, on est sorti, et là, on s'est aperçu que, en fait, les personnes LGBTQ n'avaient le droit d'exister que dans les espaces dédiés à eux-mêmes. Voilà. Donc on n'a pas tout à fait encore complètement gagné les batailles. Hein. Tu mets un jeune homosexuel à la rue du Marché au Charbon à Bruxelles, il n'y a pas de problème. Tu le sors de la rue du Marché au Charbon, ça devient dangereux. Donc, tu veux faire des claquettes ? Non. Donc, on sort avec la consoeurie des connasses. Bon, des réactions dans tous les sens, des menaces, du harcèlement en ligne. Quand même une tempête de merde, une shitstorm qu'on n'avait jamais pu imaginer. Dans l'espace public, pas, hein. Si jamais vous voulez écouter, donc à l'époque, on est sorti. Moi, je me promenais avec un micro. J'ai fait un radio-trottoir pour collecter les remarques et les réactions des gens qui nous voyaient passer dans la rue. Personne nous a dit « va mourir, sale PD ». Par contre, un peu plus sur les réseaux sociaux quand même. Mais donc y a tout ça, c'est en ligne. Vous mettez Radio Charivari, puis vous entendez la sortie, comment ça s'est passé, etc. Plus compliqué, c'est une histoire assez intéressante, qui est très très compliquée, mais la deuxième année, les gens savent qu'on va sortir potentiellement à la Soumons costumée. Une pression se met en place de janvier à mars qui va aboutir à l'impossibilité de sortir car on a peur. Ce n'est pas que l'impossibilité de sortir car on a peur. C'est une violence en chaîne qui va se passer sur la tête de Vincent Thirion, sur la tête d'Alexia, sur la tête de moi, sur la tête de Jean. C'est une suite d'intimidation qui fait qu'on va finir par annuler cette sortie. La blague, et ça qui m'a donné énormément d'espoir, c'est que nous, on était vraiment estomaqués. Enfin, on pleure en larmes, tout le monde, Vincent, Alexia, toute l'équipe de Centrale, tout le monde a pris cher. Tout le monde. Mais tout d'un coup, les gens de la Louvière, en fait, cette grande majorité qui en a rien à foutre. Cette grande majorité silencieuse qui dit « Non, mais là, c'est pas possible. On peut pas passer pour des cons comme ça. On peut pas dire qu'on va interdire des gens parce qu'ils font du carnaval au carnaval. » Parce que c'est ça, quand même. Et cette majorité, c'est Louviérois, c'est Louviéroise, c'est personne, lambda, qui se sont battus, qui nous ont soutenus, qui ont imprimé des affiches, l'autocollant qui est sur mon ordinateur, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est des gens de la Louvière que je ne connais pas, qui les ont collés, etc. Cette grande majorité silencieuse qui a dit on ne peut pas laisser passer ça, ça veut dire qu'en fait, nous, on voit quand même le monde dans nos petites bulles, dans nos réseaux, dans nos endroits, qu'il y a plein de gens, en fait, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, c'est peut-être qu'ils sont en burn-out, c'est peut-être que le chien est malade, c'est peut-être que le petit a la varicelle, mais en fait, ils n'ont pas le temps, parce qu'être citoyen à plein temps, c'est impossible. C'est pour ça qu'on délègue des gens, paraît-il. Et en fait, moi, je garde ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, et j'aimerais vraiment qu'on l'entende tous, peut-être que c'est un peu gnangnan, parce que tu as fait une entrée, Vincent, en disant ça craint. Mais bien sûr, ça sent les bottes en ce moment. Et bien sûr que ça craint. Mais moi, je crois quand même que le travail de féminisme, le travail LGBTQ, de visibilisation, et même Drag Race que j'aborde, tout ça a fait qu'aujourd'hui, ça avance. Et que les gens s'en foutent un peu. Ils ont autre chose. Peut-être que la majorité s'en fout. Alors, on peut se poser la question de la robotisation de nous-mêmes. Ça, c'est une vraie question. Mais je crois qu'il faut qu'on reste. Faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on continue la rencontre. Il faut qu'on continue d'avancer. Voilà. Et là-dessus, je vais faire comme Michael. Non, je vais faire une chanson. Tu veux Tu veux enchaîner ? Oui, je peux reprendre, continuer avec toi. Ouais. J'ai l'impression aussi que ce que tu partages ici, ça nous dit beaucoup. Là, je vais un petit peu plus loin que le carnet, mais ça parle beaucoup de la place de la liberté artistique, de création. Et au niveau juridique, sans être trop passement avec ça, mais c'est une liberté qui n'est pas évidente à défendre, cette liberté artistique, liberté de création. Parce qu'en fait, elle n'existe pas vraiment dans le droit. Donc, elle est fortement rapportée à la liberté d'expression, mais sauf qu'en fait, la création, ce n'est pas nécessairement du discours. Enfin, il y a l'œuvre, elle est une autre réalité que juste des discours, des opinions qui sont partagées. Donc, voilà, c'est aussi ça qu'il faut un peu sentir. Enfin, je tire un peu, j'extrapole, parce que ça me fait beaucoup penser à ça et comprendre un peu qu'il y a quand même, du coup, dans ce que tu partages aussi, par rapport à cette liberté-là, donc... C'est l'idée, donc les libertés au niveau juridique, c'est vraiment des choses qui peuvent s'exercer de manière absolue et les limitations vont arriver pour baliser. La liberté d'expression fonctionne comme ça. A priori, vous avez la liberté d'expression, mais on va mettre des limites pour respecter certaines balises. Et heureusement, parce que sinon, ça fait des États-Unis. Voilà, exactement, ça c'est clair. Donc la liberté d'expression, ça n'existe pas du tout en Europe. Ça existe très paramétré. Ouais, tout à fait. Et c'est les jurisprudences, qui vont un peu au niveau des droits aussi. Enfin, d'ailleurs, sur la question des carnavals, c'est pas le premier événement qui se passe en ce sens-là. Je vous renvoie à Lost et à d'autres événements où il y a vraiment eu ce genre de discussion aussi. Et les questions patrimoniales sur la liberté d'expression et de création dans le folklore, on est complètement là-dedans aussi avec d'autres centres culturels aussi sur la place des femmes. En même temps que les personnes cuir aussi. Mais Le sauvage date sur des questions qui sont plus liées au racisme, antiracisme. Et du coup, c'est toujours un peu une question qui est liée à la place de la censure et de la limitation à ce niveau-là et comment elle s'exerce et ce qu'elle pratique et ce qu'elle permet ou non par rapport à ça. Si tu veux rajouter quelques petites choses, après moi je vous propose, ou pas, mais ce que je vous propose c'est de ramener aussi un peu ça dans le contexte des missions des centres culturels, comme ça, celles et ceux qui connaissent peut-être un peu moins ce contexte-là, resituent un peu par rapport à leurs obligations à eux. Moi, j'ai 1000 trucs qui me passent par la tête, mais peut-être que vous êtes un peu, vous avez peut-être des choses qui sont allées un peu vite, ou vous avez envie de qu'on revienne ou qu'on précise certaines choses qui n'ont pas été claires jusque-là. Jusqu'ici, tout va bien. Ça va. C'est ça. Donc, qu'est-ce que. Oui, vous dire aussi, pour peut-être comme ça, vous savez, c'est la consoerie des connasses a une plainte au cul maintenant, sur cette saison-là de cette année. Donc, on ne sait pas si ça va aboutir ou pas. C'est-à-dire qu'en tout cas, la plainte est formulée, elle est faite, elle va partir au parquet. Va-t-elle être mise en place ? Donc voilà, des fois, ça dérape les actions d'art partagé. Donc moi, j'appelle ça de l'art partagé, de l'art en commun, de l'art en partage. Vous pouvez, y a plusieurs façons, en tout cas pour tous les protocoles, hein, de faire avec et pas les gens, mais, et pas pour. Et donc oui, là, nous, on en est là, dans cet endroit-là, où moi, c'est vrai que je suis un peu fragile parce que je ne sais pas... Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'était, et ça c'est peut-être plutôt aux artistes, c'était hyper drôle parce qu'avec la consoerie, on s'est fait attaquer par tous les vieux mecs. Bon, ils sont blancs, hein, franchement, ils sont, là on peut dire. Tous les vieux mecs blancs, ils sont cis, ils sont vieux mecs blancs, ils sont tout, et en plus ils sentent la bière. Mais on s'est fait attaquer par tous ceux-là, pas tous, mais. Par beaucoup de ceux-là. Ils ne sont pas tellement homophobes. Ils ont un ami PD. Ils ne sont pas racistes. Ils adorent Mouloud. Voilà. Donc, ils ne sont pas tout ça. Mais il y a aussi la question du folklore. Ils sont persuadés que le folklore est sacré et que ça ne doit pas bouger. Ils sont persuadés que c'est une définition, Gilles. Donc c'est pour vous dire à quel point la cristallisation de définition, ça fait du mal. Ils sont persuadés, ils n'ont que 100 ans, les gars, mais ils ont 200 ans. Ils sont persuadés que c'est ça. Donc il y avait beaucoup de ça quand même. Je ne veux pas les diaboliser. Donc eux, ils considèrent que le costume est sacré, ce qu'on a fait, c'est sacrilège. De l'autre côté, on s'est aussi fait flinguer par la gauche. Hein ? Nous sexualisons le corps de la femme. Hein, donc les personnages sont gonflés, ils ont des gros seins, des grosses fesses. Voilà. Donc nous sexualisons le corps de la femme. Et puis, on est des petits connards d'artistes des villes qui viennent donner la leçon à des gens des campagnes. Donc c'était très intéressant parce qu'on s'en est pris de toutes parts. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est quand même qu'on s'est fait interdire et qu'il n'y a pas une institution qui a réagi. Mais alors, tut, zéro. Donc, Romeo Castellucci, il fait caca sur le truc du Christ. À Paris, tous les réseaux sociaux s'enflamment. Là, on n'a pas eu un soutien d'un DEA, directrice de théâtre, avant un bon moment. La première année, rien. La deuxième année, un peu, quand même. Et puis, un peu. Puis finalement, on était en période préélectorale, donc tout le monde s'est bougé le cul, puis c'est allé jusqu'à la secrétaire d'État. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc ça voulait dire, et dans mon chef, quand même, ça voulait dire, ah, on fait des conneries avec des participants, on fait du folklore. Le folklore, c'est pas de la culture ? La cuisine, c'est pas de la culture ? L'origami, c'est pas de la culture ? TikTok, c'est pas de la culture, etc., etc. Donc là, ça vient ce que tu disais, la définition de la culture. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que l'art ? Tout ça. Donc c'est, en tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait... j'avais envie de vous témoigner ça, pas pour vous dire que ça me pose plein de questions, que quand j'en parle, je suis encore très émue, et qu'en plus, c'est pas fini. Mais pour vous dire que... ouais, ça vaut le coup de se mouiller, quoi, et de tenter des choses. On sort moins con, voilà. Ouais. je sais pas à quel point. Est-ce qu'on resitue ça un petit peu maintenant dans l'émission, ou vous avez peut-être envie de réagir d'abord? C'est juste ce petit point-là serait intéressant quand même de l'avoir avant 12h30. Enfin, voilà. Donc voilà. On met ça dans l'émission et après on fait tourner le micro. Il reste 40 minutes. Ouais, voilà, donc on a un peu le temps tranquillou. Merci Alexia. Ouais, parce que j'ai pas de télécommande pour changer le PowerPoint, évidemment. Il n'y a pas d'IA qui est là pour faire ça. Du coup, en fait, tout ce qu'on vient de vous partager, toute cette expérience aussi que Sarah. Partage et qui est très précieuse, mais comment est-ce qu'elle peut prendre place en fait dans un centre culturel, Exactement. Comment ça peut prendre place dans un centre culturel ? Donc là, quand je vous parle de centre culturel, je vais vous parler des centres culturels qui sont reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup d'autres structures, associations, etc., qui ont choisi de s'appeler centre culturel, mais qui n'ont peut-être pas cette reconnaissance au niveau de la Fédération. Du coup, ils n'ont pas les mêmes obligations. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas légitime ce qu'ils font, mais, ou ce qu'ils ils et elles pardon, font, mais en tout cas, voilà, ça ne sortit pas des mêmes obligations, des mêmes contrats programmes, etc. Donc c'est ça qui est important de savoir. Donc il y a quand même environ 122, il y en a pas environ, il y en a 122 centres culturels au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quand même pas mal en général. On a quand même un territoire qui est quand même pas mal couvert pour sa surface, superficie géographique. Et donc tout ça, quand on est au niveau de ces obligations-là, ben, ça s'inscrit évidemment dans les politiques culturelles, dans une histoire des politiques culturelles qui, en fédération, en communauté française, ben, commence un peu au tournant des années 50-60, hein, avec la création d'un ministère de la culture qui s'est très vite scindé en deux, hein, un néerlandophone et un francophone, évidemment. Et du côté, ben, du coup, moi, je vais plus vous parler du francophone, puisque c'est ce qui nous concerne ici aussi. Il y a un peu deux grandes tendances, on va dire, qui ont inspiré et qui renouent avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent dans la création, la manière de penser les politiques culturelles. On a d'une part ce qui travaille beaucoup sur la question de l'accès à la culture et qui est plutôt le paradigme un peu de la démocratisation de la culture, hein, qui vient notamment, qui est un peu une inspiration du modèle français avec André Malraux, que vous connaissez peut-être, hein, qui a créé des maisons de la culture notamment, mais dans cette idée qu'en fait, ce qu'on doit faire avec les gens, c'est leur donner accès à une culture. Donc c'est plutôt du travail pour, en quelque sorte aussi, hein, mais accès à une culture qui est déjà posée d'emblée. Les beaux-arts notamment, les arts reconnus, institutionnalisés, etc., etc. Leur donner des techniques aussi pour y participer, nécessairement sortir des lieux, hein, de l'institution, etc., pour travailler cet accès, cette participation, mais de manière complémentaire, hein, opposée ou pas, ça c'est évidemment des enjeux de politique culturelle, mais de manière complémentaire, un peu au même moment, au niveau des politiques culturelles en FOB, ben, on a un peu un autre paradigme, une autre tendance qui est celle de la démocratie culturelle et qui est vraiment dans cette idée, ben, en fait, au lieu de partir des contenus et des beaux-arts qu'on a déjà, on va partir de ce que sont les gens, hein, et des cultures qui portent en eux et en elles, et on va essayer de travailler avec ça, comme tu le montrais avec Charivari, de manière un peu plus ascendante, dans une démarche, dans un processus projet en quelque sorte qui avance comme ça. Et je saute sur le truc, donc ouais, c'est vas-y. Pas pour les centres culturels une histoire de tokenisme. Il n'y a pas à cocher la case LGBTQ pour avoir une saison propre et belle. Il faut faire attention avec ce genre de truc. On ne coche pas des cases. Hein, on le fait tous, bien sûr. On fait attention. On fait attention qu'il y ait des femmes et des hommes. On fait attention à ce que si, que ça. On fait attention à des parités. On fait attention à ça. Mais ce n'est pas qu'une case à cocher, en fait. Ouais, et je pense que dans la question de la tokenisation, la case à cocher, l'objectif pour les centres culturels, c'est que ça soit une citoyenneté qui soit active. Donc ça veut dire que c'est cet enjeu-là. Je veux dire, si c'est pour travailler sur certaines thématiques, sur certaines identités, certaines communautés, etc. On parle des personnes cuir ici, mais on pourrait parler de plein d'autres choses. Les communautés de la cuisine italienne, par exemple, à la Louvière, j'en sais rien. Peu importe, ça dépend des patrimoines. Mais l'objectif, c'est toujours, et c'est ce que montrait très bien Sarah, c'est cette idée de finalement donner une forme d'accès à une culture et pratiquer cette culture cuir avec le drag, etc., dans un contexte de folklore, de carnaval, etc., mais dans une perspective d'émancipation et d'autonomie. Et l'exemple de dire que finalement, Charivari, ben, les initiatrices, les créatrices prennent de la distance et le groupe s'autonomise, on est vraiment là-dedans. C'est cette idée qu'en fait, on vient donner des outils aux gens du territoire pour développer leurs identités, leurs personnalités, etc., etc. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là plutôt que de dire « Ok, on a telle personne du territoire, il faut qu'on fasse ça ». Il y a un peu de ça, évidemment, hein, on est d'accord, hein, mais en même temps, c'est l'objectif est plus lointain, quoi. Et les droits culturels, ben, en fait, ça reprend un peu toute cette soupe-là. Et ça les retravaille à nouveau frais, puisque ça, c'est plutôt lié à l'histoire du secteur des centres culturels. C'est qu'il y a eu plusieurs décrets, hein, dans les années 70, en 92, 92, et puis celui-ci qui arrive en 2013. Et entre 70, 92, jusque les années 2000, ben, il y a eu un énorme développement du secteur. On est passé quand même d'une quarantaine d'associations entre les années 70 et 90 à 120 centres culturels. Il n'y en a peut-être pas 120 en 2013, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un énorme essor et du coup, il y a des logiques aussi qui se sont installées, plutôt d'ordre économique, de développement territorial, etc. Et les droits culturels viennent un peu recentrer tout ça sur le travail sur le fond, au niveau des missions. Et beaucoup de travailleurs et travailleuses partagent qu'en fait, pour eux, c'est revenir un peu au métier de base qui est d'animateuriste socioculturel, sortir de son bureau, aller rencontrer les gens, faire avec, etc. etc. Je veux bien la page suivante. Merci, Alexia. Donc, voilà, ça, c'est la traduction dans le décret. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment sur ces questions d'accès, de participation active. Vous aurez les slides, hein, donc on n'est pas obligé de s'attarder là-dessus. Je pense que tu peux passer à la suite, Alexia, s'il te plaît. Merci. Et donc, bah, tout ça, finalement, avec les deux points ici, les explicitations juste avant et le droit à la culture, puis la définition de la culture, c'est les endroits où se trouvent les référentiels dans le décret des centres culturels. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, si c'était simple, bah, on ne l'aurait pas fait, puisqu'on est quand même un peu en Belgique, hein, et on aime bien se prendre la tête, ça fait partie de notre identité, je pense. Mais du coup, on a un décret au niveau des centres culturels, ça, c'est un peu plus au niveau juridique, où il y a plusieurs référentiels. Hein, des droits culturels, sinon ça serait trop facile, hein, ça serait trop évident. Et donc c'est aussi là l'endroit où moi j'arrive pour essayer d'accompagner les travailleurs travailleuses dans comment est-ce qu'on fait sens de tout ça, comment est-ce qu'on arrive un peu à clarifier ce qui nous est donné comme mission, parce que c'est un peu un chamboulement hein, pour certains, certaines. Le décret en 2013, il arrive et il confirme ce qui est déjà en marche. Hein. On va dire, nous, c'est dans la logique de sortir de notre bureau, d'aller rencontrer les gens, de faire avec. Et puis, il y a d'autres endroits où c'est moins le cas. On est plutôt installé dans des logiques de programmation, de diffusion, et donc avec une idée que oui, on va aller sonder le territoire, on va voir ce qui s'y dit, etc., mais on va proposer certaines choses avec un maillage qui n'arrive peut-être pas. Donc voilà, ou qui arrive trop peu. Hein. En tout cas, c'est questionnant, mais en tout cas, ça rejoue un peu tout ça. Le droit à la culture, c'était Céline Romainville. Hein, et donc, voilà, c'est vraiment le référentiel qui est posé dans le décret, mais qu'on essaye d'amener vers une compréhension un peu plus large avec la déclaration de Fribourg, hein, parce que le droit à la culture, c'est quand même très sectorialisé, c'est très lié au champ professionnel de la culture, des métiers de la culture, hein, avec une vision de la culture qui est aussi très fortement liée, ben, pas nécessairement qu'aux beaux-arts, mais en tout cas à des formes artistiques qui peuvent être un peu liées au champ professionnel. Elles ne doivent pas être nécessairement reconnues, puisqu'il y a une place pour les patrimoines émergents, pour le développement des patrimoines, mais voilà. Donc, on peut Sera des matrimoines, d'ailleurs. Tout à fait. On a même proposé Natrimoine, comme ça, on arrive à quelque chose de plus... Il y a une revue là-dessus, si ça vous intéresse, mais qui essaye ça. Ou les héritages, mais voilà, c'est une vraie question, ça, au niveau international, de comment est-ce qu'on arrive à poser patrimoine, natrimoine, matrimoine, héritage, qui n'est pas exactement la même notion, mais ça, c'est encore pour autre chose. Donc, en tout cas, au niveau des référentiels, ben, on nous parle quand même, malgré tout, hein, quand on parle de droit culturel, de droit à la culture, on nous parle de cette question de liberté artistique qu'on a abordée hein, tout à l'heure, hein, à travers plusieurs exemples. On a parlé de la question des patrimoines et de la promotion des cultures, la liberté de pouvoir choisir ses appartenances, ses référents culturels, donc ce qui renvoie aussi à des questions de droit à l'identité culturelle, à la diversité culturelle, de pouvoir avoir accès et participer à cette culture de manière active. Hein, et cette activité, elle peut être aussi de s'asseoir dans une salle et de recevoir un spectacle, hein, puisque la réception d'un spectacle ou de toute autre forme artistique, elle est quand même relativement active aussi, je pense. Hein, même si on a le droit à être passif et aussi se prendre des choses dans la gueule. Tout à fait, tout après. À fait. Non, c'est juste que comme personne connaissait, tu vois... Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est aussi beau de voir un spectacle à la virgule, très beau... dans lequel on est actif, en fait. Dans sa tête. Dans sa tête. Tout à fait. Et après, après, peut-être qu'on casse des murs, on n'en sait rien, mais en tout cas... Peut-être. Voilà. Ça nous donne envie d'aller sur le set. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est cette envie-là, en tout cas. Et ce qui est aussi intéressant et très spécifique au centre culturel, ce n'est pas le cas des autres structures en FOB, c'est qu'il y a vraiment aussi, dans les instances des centres culturels, qui sont au conseil d'administration, un bureau, une assemblée générale, il y a aussi un endroit qui s'appelle le conseil d'orientation, avant conseil de participation, où en fait on a des gens qui viennent de la société civile, qui vont venir et qui sont conviés à venir dire un peu ce qu'ils pensent de ce qui est fait au centre culturel. Et ça, ça fait partie au niveau des statuts et structurellement des centres culturels. C'est un endroit où ben, les gens sont conviés pour venir dire en fait là, bon, on va participer à l'évaluation avec vous et on trouve que, etc. etc. Donc. Mais ce serait bien que ce ne soit pas que les fâcheux qui l'ouvrent. Car c'est souvent que les fâcheux qui l'ouvrent. C'est que les fâcheux. Et puis dans ces contextes-là aussi, ce qui questionne un peu, c'est ce que tu disais par rapport à la question du temps. Les personnes qui sont beaucoup dans les conseils d'orientation, ben, y a des citoyens, citoyennes. Par exemple, à la Louvière, je sais qu'il y a quelqu'un comme ça qui est là depuis des années et des années, qui est vraiment le meilleur spectateur de tous les spectacles, qui va tout voir, hein, qui est vraiment super. Yves, on l'embrasse. Voilà, Yves. je ne me rappelais plus de son nom, mais après, il y a aussi beaucoup de gens qui sont présents par intérêt et disponibilité professionnelle, en fait, qui sont là sur leur temps de travail. Donc, ça pose aussi la question des gens qui viennent de manière volontaire, bénévole, etc., sans être payés. Hein, donc, je fais une petite, une petite anecdote un peu rigolote. Pendant, en pleine crise, qu'on serait des connasses, où on se faisait bâcher, insulter tous les jours, quotidiennement. J'avais un troll incroyable sur la page de la Consoerie des connasses. On n'en a pas parlé, mais c'est un troll, mais merveilleux, quoi. Il était merveilleux, déjà. Vraiment, il avait des arguments, c'était très rationnel. Il faisait des jolies phrases et tout. Et donc, il était à tout, mais tout le temps. Il réagissait tout le temps. Il s'appelle Eric Martens. Il habite à la Louvière. Et il me fascinait tellement de... Parce qu'il n'était jamais insultant, par contre. Il démontait tout. Méthodiquement, mais jamais sans m'insulter, que je lui ai envoyé un message privé en lui disant ça fait plaisir, parce que ça fait plaisir de voir un mec de droite correct. Privé. Et donc, on démarre cette conversation en privé. Je dis, en fait, ça donne des lettres de noblesse à la droite. Tu vois ? Parce que Georges Louis Boucher, par exemple, ça insulte la droite. Alors que Sophie Wilmès, elle a quand même géré comme elle a pu, tu vois. Elle est droite, mais elle ne me semblait pas si raciste. En fait, la droite raciste, ce n'est pas obligatoire. Hein. Il y a des gens qui sont de droite qui ne sont pas racistes. Et donc, lui, je lui dis bravo, ça me fait plaisir, ça me rassure de l'état de la droite. On ne peut pas tous être de gauche. De toute façon, vous allez voir, en vieillissant, on vient tous de droite. Et donc, le gars... Non, mais Et donc le gars, je commence à discuter avec lui, et en fait, je commence à discuter avec lui hyper fort. Et en fait, il est tout seul, et puis en fait, et puis je commence à avoir mes conversations. Je parle même plus à mon mec et à mon enfant. Je discute avec Eric Martens sur Messenger, sur Facebook, forcément, un truc de boomer. Et donc je fais ça. Et en fait, le mec, il vient. Je l'invite voir Charivari, et il vient. Et il vient. Et je le vois, parce que bien sûr, on s'est stocké mutuellement. Alors, je ne sais pas, j'espère qu'il n'écoutera pas, à mon avis, Frick, c'est merveille. Et le gars, je le regarde, on ne peut pas préjuger des orientations sexuelles, des gens, des expressions, bon, et tout ça, mais je me dis, waouh, il est tellement féminin, il a une belle peau comme ça, je me dis, 50 ans, incroyable. Il vient, et donc pendant le spectacle, je le présente. Je dis, voici mon troll préféré. Et je raconte le truc. Et lui s'attend à se faire huer par la salle, et tout le monde l'applaudit et vient lui faire des bisous, et il a son quart d'heure de gloire. Parce que dedans, il n'y avait que des gens merveilleux. Et donc Eric, cette année, à la Consoerie des connasses, il a liké, il a commenté toutes les publications pour nous défendre. Ce qui fait que moi, cette année, j'ai failli. J'ai pas fait de burn-out. J'ai juste failli parce qu'il a vraiment été un putain de modérateur sur la page. Et il a complètement tourné cutie. Et alors, c'est con, c'est un mec. Mais ce mec, il habite à la Louvière. Il connaît vraiment des gens. Et donc, finalement, il est devenu un chargé de com. Bénévole. Actif. Et ça, c'est quand même hallucinant. Et c'est devenu une blague avec Alexia. Et donc l'année dernière, il voulait même s'inscrire aux ateliers. Mais c'est, je ne sais pas, je crois que c'est... Tu vois aussi la question d'être de droite, d'être de gauche, c'est aussi, je crois, des fois d'où tu viens, où tu vis et quelle éducation tu as eue. Moi, j'ai un petit problème en fait avec ça parce que je pense par exemple que si j'ai été... si fascinée par les drag queens et tout ça, c'est parce que mon père est un arabe, que Dalida c'était la seule entrée culturelle qui rentrait chez moi, et que finalement cette espèce d'extravagance, le fait que tu vois, ça m'a fascinée parce que je me suis reconnue dans quelque chose que je pouvais lire, ce qui ne m'arrive pas au musée d'art contemporain. En fait, j'ai pas les codes pour regarder une expo, je me sens conne, je me sens insultée. J'ai eu beaucoup de difficultés à aller au théâtre parce que je me sentais bête, parce que je ne connaissais pas. Au cabaret, je ne me suis jamais sentie bête parce que c'est autre chose qui se joue. Et donc la question de droite, de gauche, c'est aussi une question de capital culturel. Et tu vois aussi de classe sociale et d'intérêt. Et donc... je dis qu'il est de droite pour aller vite, mais fondamentalement, j'ai vu un type en fait assez sensible. peut-être de centre. Est-ce qu'il y a eu une compréhension de pourquoi il était de ce bord parti là avant, pas droite gauche, mais pourquoi est-ce qu'il était contre et après pourquoi pour? Parce que lui, de son point de vue, je crois qu'il voyait ça comme de la propagande woke. Non, mais c'est hyper intéressant parce que la question woke, elle est au cœur. C'est pas oyayay, c'est elle est au cœur d'une propagande qui fait, mais c'est la même, je veux dire, qui fait qu'il y a, ça n'existe pas. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est une vraie propagande. Les gens ont peur qu'il y aurait une propagande woke. Et ça, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal à, en fait, juste à la communication des personnes. Donc, ils pensaient que c'était de la propagande woke, ils ne comprenaient pas ce que ça foutait là-dedans. Ils trouvaient que la militance n'était pas un endroit pour le carnaval. Et puis, ben, simplement, ils n'avaient jamais vu ça. Et voilà, ils trouvaient qu'on n'était pas... on n'était pas honnête dans notre démarche parce qu'on disait qu'on faisait juste du carnaval alors qu'en fait on faisait de la propagande woke. Et il était sur ce genre d'arguments. Au même titre que certains militants nous ont dit qu'on faisait, voilà, on était dans la sexualisation de la femme, et etc. Tout ça. Hein. Donc, je crois qu'il y avait ça qui était actif chez lui. Ouais. Du coup, je trouve que c'est hyper positif parce que ça montre que en fait, cette personne n'était pas intrinsèquement méchante et contre, mais juste qu'elle comprenait pas, qu'elle avait peur, et qu'en fait cette démarche, enfin ça démontre, et je trouve que c'est hyper important pour tout ce côté centre culturel, etc. Ça démontre que le monde est pas foutu comme on a pu en parler un tout petit peu au début, mais qu'en fait il suffit de peut-être rallumer encore plus une flamme et qu'à un moment donné. Bah ouais, ce sont des gens méchants, je sais pas tellement, tu vois. mais non, c'est sûr que cette personne-là, elle n'était pas fondamentalement méchante. Je pense qu'elle ne savait pas, effectivement. Et puis, je pense qu'elle vit à la Louvière. Et qu'il y a quand même un autre truc, c'est qu'il y a un esprit de village ici. C'est que quand bien même tu penses autrement, c'est difficile de le dire. Je veux dire, on n'est pas capable de vivre seul et on a besoin de reconnaissance des autres. Et donc... Je pense qu'on est prêt à beaucoup, enfin, le nombre de gays nous ont dit, qui ont écrit, je suis gay mais j'ai honte, ce n'est pas ça que j'ai envie de défendre. On leur fait honte aux gays du coin parce que ce sont des personnes gays qui ont intégré que pour être un bon gay, il fallait pas faire de vagues. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gays de droite aussi, et qui votent MR. Mais c'est ça, et finalement, c'est un bien, parce que ça veut dire bah, tu peux être une minorité qui a été génocidée, et être de droite aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on avance. Tu vois, c'est quand même, on avance. Mais la réalité, c'est que il y a eu, et il y a toute une... Des gens, en fait, il y a des gens qui pensent que pour bien faire, il faut pas faire de vagues. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, il n'y a que des militants, ça va être le cauchemar. Hein. Il n'était pas méchant, c'était ça la question. C'était ça au démarrage. Et voici qui clôture la première partie de ce hors-série si particulier. Merci à Alexia pour la co-organisation de la journée. Vous retrouverez les ressources dont il est question dans l'épisode sur le site de Culture et Démocratie. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la suite.